les États-Unis, ils ont fait l'Europe aussi. Oh, ils nous sont nous, petit à petit. L'Afrique se fera, petit à petit. L'Afrique se fera. Donni, donni, bononi, dandala. Donni, donni, bononi, dandala. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Il y a eu la dictature, les multipartis vont aussi. Aujourd'hui, multipartis sont. Oh, ils nous sont, petit à petit. No trates de averiguar lo que tiene tu vecino. Escucha bien el consejo y escucha lo que te digo. La envidia, la hipocresía de un pájaro da dos alas. Y en África ya lo digo, no ni no ni no, no ni da ni da. Nunca es tarde, mi amor. Nunca es tarde, mi amor. Poco a poco llegarás, poco a poco llegarás. Allá con son de estar.